écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Cette vidéo relate succinctement et dans l'ordre chronologique des événements prophétiques issus de la Bible que vous vivrez très bientôt. Ces développements ne font en aucun cas l'objet d'une interprétation mais respectent le contexte biblique et les signes prophétiques dans son espace-temps. Aussi, certains vous diront que sur le web il y a beaucoup de fausses doctrines. Hélas, pas plus que dans certaines églises qui, par peur ou par ignorance, font rentrer des loups, des doctrines de démons ou embrassent le monde pas de compromis. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'ignorance pour que ce jour vous surprenne à l'improviste. Nous sommes certains que la Syrie dispose de l'un des stocks d'armes chimiques les plus importants du monde. Plus de 1000 tonnes d'agents chimiques de guerre et des dizaines de vecteurs. Ne pas réagir, ce serait mettre en danger la paix et la sécurité, la paix et la sécurité, la paix et la sécurité. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Seigneur, ouvre-nous la porte! Nous avons chassé des démons en ton nom! Nous avons guéri même des malades en ton nom! Ouvre-nous! Mais c'est quoi venir de ouf? Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Le pouvoir lui fut aussi d'accorder sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'Antéchrist prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, ceux qui sont dans le ciel, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints, les vierges folles restées sur terre seront livrées entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. l'Antéchrist confirmera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Un ange versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Le dragon, appelé Satan, entraînait le tir des anges du ciel qui deviendront des démons et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, Marie, qui allait enfanter Jésus-Christ afin de dévorer son enfant par le biais du roi Hérode. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour avoir rendu témoignage à Jésus et pour avoir cru à la parole de Dieu. Et les âmes de tous ceux qui n'avaient pas adoré ni son image et qui n'avaient pas pris sa marque ni sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Quelqu'un veut leur faire du mal, il sort de leur bouche un feu qui dévore leurs ennemis. Ainsi doit périr celui qui veut leur faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande cité qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là où le Seigneur aussi a été crucifié. Vous avez renié ma grâce offerte pour vous sur la croix. Maintenant vous payerez votre salut par la loi, sans renier mon Fils unique Jésus-Christ. Si la franc-maçonnerie te voit avec un œil, l'Éternel t'a donné 2 yeux pour les voir. Les Templiers deviendront les francs-maçons. Ils renversèrent les monarchies, sauf une qui a gardé son autorité mondiale, la couronne d'Angleterre. La Grande-Bretagne et l'Écosse fut la terre d'accueil des Templiers suite à la traque du roi de France, Philippe le Bel. Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, fut mis au bûcher devant Notre-Dame de Paris le 20 avril 1314. Il prononcera une malédiction pour la France. Maudit, maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de Borace. Effectivement, il en sera ainsi. La succession des rois maudits, jusqu'à Louis XIV et Marie-Antoinette, atteste ces choses. Le couple royal sera décapité, laissant la place, après 10 ans de directoire, la première république sous l'empereur Napoléon Bonaparte. La stratégie des Templiers était de s'infiltrer dans les affaires du pays afin d'exercer une influence politique et à travers les lois. Aujourd'hui, le but est atteint, plus besoin de la démocratie. Député grand maître, qui représentez-vous? Hiram Abiff, le prince des architectes. Quel est votre devoir ? Établir les plans, tracer les dessins et aider le très respectable grand maître dans l'accomplissement de l'ouvrage. Où est placé le très respectable grand maître ? À l'Orient. Qui représente-t-il ? Le roi Salomon. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. De qui ? Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Après, je vous appellerai pour que vous m'aidiez à porter tout ça. Tout est prêt pour le troisième temple. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, mais de l'accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le fils de Satan se fait passer pour le Meshaya, le Messie. Il se prendra pour Dieu, et les Juifs l'accueilleront, pensant être le véritable. Nous essayons de diffuser un tout autre message. Un message selon lequel tout le monde, y compris les musulmans, y compris les chrétiens, peut s'unir autour d'un même lieu de prière. Et où se trouvera ce lieu de prière ? Exactement là où se situe le dôme du rocher. Il protège le rocher. Et ce rocher, c'est le Saint des Saints. Et bien sûr, cela établira une relation spirituelle beaucoup plus privilégiée entre l'humanité et Dieu. Entre l'humanité et Dieu. Nous n'appartenons pas à une ethnie, à une communauté, à une religion. Nous appartenons à l'humanité. Nous appartenons à l'humanité. To have a strong cooperative relationship with them. The fact that Russia felt compelled to go in militarily and lay bare these violations of international law indicates less influence, not more. And so my response then continues to be what I believe today, which is Russia's actions are a problem. They don't pose the number one national security threat to the United States. I continue to be much more concerned when it comes to our security with the prospect of a nuclear weapon going off in Manhattan. L'humanité adorèrent le dragon, qui est Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, son fils, l'Antéchrist. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, soit 1260 jours, soit 3 ans et demi. quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer. Un reste seulement reviendra à moi. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ainsi s'accomplira cette prophétie au deuxième retour de Jésus-Christ, à la porte dorée, la porte de l'Orient, située face aux monts Sion. Un roi devait naître, Jésus, fils du Dieu vivant. Il se fait homme et arrive dans le monde comme un homme. Matthieu chapitre 2. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « à Bethléem, en Judée », dans Matthieu chapitre 2:3-5. Bien que les religieux aient été au courant, ils n'ont pas accepté le vrai roi. Hérode le Grand utilisera les mages afin d'avoir sa position géographique dans le but de le tuer, parce qu'il est roi. Mais les mages n'obéiront pas. Alors Hérode le Grand envoya son armée et tua tous les enfants mâles de 2 ans et moins à Bethléem et dans tout son territoire. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus, dans Matthieu, chapitre 2:18. Divinement avertis, le couple et l'enfant Jésus se réfugièrent en Égypte afin d'être en sécurité. Ils reviendront en Israël après que Dieu frappa Hérode de la mort, rongé par les vers. Satan, étant un esprit, cherche un représentant humain, en chair, ayant une puissance spirituelle inégalée, doté d'un charisme et semblable aux hommes pour conduire l'humanité en enfer. Dans sa folie, il demande à son créateur de se prosterner devant lui et de lui donner en échange tous les royaumes qui lui ont été donnés, qui plus est. Jésus rejeta son offre et le remettra à sa place et dans son rang. Satan se présente devant Jésus dans le désert et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Évidemment, qui dit royaume dit roi. Jésus est livré pour être exécuté. Le motif, parce qu'il est roi. Les Romains lui tressèrent une couronne d'épines et lui couvrirent d'un manteau écarlate, signe de royauté. Matthieu 27:29. lit sur la croix un écriteau s'adressant à tous les peuples, écrit en plusieurs langues, en hébreu, en grec et en latin. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, dans Jean, chapitre 19.19. Les Romains tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Vous comprendrez qu'un roi doit se manifester dans le monde pour régner sans les divergences politiques. Et vous comprendrez aussi que le système démocratique est programmé à disparaître. Cela commence par des scandales qui discréditent de jour en jour les politiciens aux yeux de tous les peuples des nations. L'incompétence et l'impuissance des hommes politiques accélèrent ce processus. Un faux roi et sauveur viendra séduire l'humanité. Il apportera des solutions dans un chaos régnant et il régnera sans partager son pouvoir. Il dictera ses propres lois et lui seul. Dès la naissance de Jésus, son titre de roi et seigneur est largement contesté, et ce, jusque sur la croix. Mais Jésus-Christ est le vrai roi et l'unique Messie qui revient.